Et on passe à Black Foundation in dub avec le morceau Nubia, toujours dans le Roots sur Couleur Croisée. C'est les Black Foundation in Dub. Yes, avec le morceau Nubia, toujours dans un petit quart d'heure reggae. Ouais, bien dub, et on va rester dub, mais plutôt fusion, yes. Avec un groupe français. Labo. Labo, voilà, yes. Alien Attack sur Couleur Croisée. Et écoutons-nous ça. Yes, c'est parti.